Une soirée bien arrosée, un accident de voiture, un poissonnier vengeur. Cette semaine, on a maté Souviens-toi l'été dernier et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Souviens-toi l'été dernier, à I Know What You Did Last Summer. J'aurais préféré oublier. De Jim Gillespie. T'as pas une blague avec Gillespie, toi? Le frère de la crise, en fait. La crise de Gillespie. Bonsoir, Mickaël. Ouais, c'est ça, ouais, bonsoir. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Et bonsoir, Barbara. Bonsoir, Antoine. Cette semaine, on parle donc du Pacte du silence, qui titre québécois, sorti en 1997, de 100 minutes. Avec Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Oh mon Dieu! Je crois qu'il est mort. Mais on peut pas le laisser ici. Dis-moi, Miss Future Juriste, c'est quoi la peine pour un homicide, hein? On conclut un pacte, ici et maintenant. On emportera ça dans la tombe. J'ai reçu ça. C'est pas vrai. Non. Bon. Alors, j'ai pas réussi à l'écouter, cette bande-annonce. La musique ne s'arrête jamais. Ce n'est que du punk rock des années 90. Ouais, il n'y a même pas du Offspring. Je suis très déçu. Je l'arrête, hein, parce que là, j'en peux plus. C'est les années 90 en musique. T'en bouffes, quoi. Ouais, des trucs que je connaissais pas d'ailleurs. Il y a du Dawson Creek et tout. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film, messieurs dames? Bah, on a adoré tout ça, tout le monde est d'accord. Je crois qu'on a pris la coupe là. Malheureusement, la bibliothèque s'est pas trompée. J'ai bien vu Souviens-toi l'été dernier. Ça m'a fait pas confondu avec les deux, exactement le même. Ou le 3, exactement le même. En fait, moi personnellement, je trouve que l'idée originale. Plutôt original, justement, mais. Ouais. Ça vous fait marrer, hein? Ouais, grave. Non, je la trouve plutôt pas mal, l'idée de départ. Le postulat de départ est plutôt bien. De tout à fait. J'ai de comprendre. Je voulais que je leur formule encore. C'est un très bon début. Par contre, je trouve que tout est ultra prévisible du début à la fin, quoi. Oh, je te trouve dur. Hein. Mais c'est, ouais, il a un peu vieilli. Non, j'ai pas dit qu'il a vieilli, j'ai dit que c'était prévisible. Tu m'écoutes, Antoine, quoi. Greg? Non, mais. Non, Greg, tu l'as pas vu. Ça fait chier. C'est même bien sûr que si je l'ai vu. Bah, je sais pas, c'est mal fait, quoi. Enfin, on n'y croit pas, tout est prévisible, comme disait Mickaël. Enfin, voilà. Enfin... Parce que au moment où t'étais censé mater le film, je recevais des invites Facebook pour arroser ta ferme sur Farmville. Elle s'est grillée. Ouais, mais ça, c'est automatique, tu sais. Mais t'as arrosé quand même ma ferme ou pas? Et toi, Barbara? Au niveau de la ferme, t'en es où? Putain, je suis en déroute au niveau des carottes. Bah écoute, voilà quoi. Ok, merci Barbara. Moi je pense, je prends les paris que ce film sera culte dans une vingtaine, trentaine d'années. C'est impossible. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Je suis sûr. Non, mais parce qu'il pue les années 90 et on les supporte plus. Mais je te promets, ça va être genre, mais c'est Scream le renouveau du Scream du peut-être, slasher, je vois pas, un peu machin. Oui, non, mais Scream bien sûr, mais Scream ça l'est déjà. Mais franchement, en vrai, en soi, c'est pas un si mauvais slasher. Mais il y a plein de codes qui sont quand même pas mal et qui ont été quand même inventés par Scream et ce film. On n'ira pas plus loin dans le truc cinématographique et potentiellement, je dis pas mal de conneries. Juste un truc que je voudrais rajouter, que s'il y a un truc à se dans ce film, c'est le postulat de départ. Tout à fait. L'idée de départ aussi qui est bien. L'idée originale. Et donc du coup, le film, c'est ça s'ouvre sur un concours de beauté. Ouais, bah, je vais vous lire le résumé. Ah oui, hein. De la jaquette alors. Je vous dis. Bah, putain, j'avais la vraie jaquette. Dis-nous le résumé. Le soir du 4 juillet, jour de la fête nationale aux États-Unis, quatre adolescents, un couple de blonds retardés et un couple de bruns pseudo-intelligents. Faites leur entrée à l'université. Cependant, sur la route, il renverse un homme. Pour une raison que tout le monde ignore, il se débarrasse du corps de celui-ci, le croyant mort. Un an plus tard, Julie James reçoit une lettre dans laquelle il est écrit « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Chacun des quatre amis va alors être confronté à des événements terrifiants. Quelqu'un, manifestement, sait ce qui s'est produit cette fameuse nuit du 4 juillet. Quelqu'un prêt à tout pour assouvir sa terrible vengeance. Attends, c'est un vengeur. Elle vient d'où, ton résumé? C'est le résumé Wikipédia. Wikipédia ou ouais. Wikipédia. Bah alors, l'avantage que je trouve pour c'est le coup, Gregipédia quoi. L'avantage que je trouve pour le coup sur le résumé Wikipédia, c'est qu'on voit que le postulat de départ. C'est un peu ça. C'est intéressant. Donc c'est la fête au village, c'est le 4 juillet. Ça commence quand même par des images hyper sombres et une musique un peu flippante. Tu sais que tu vas pas mettre un Walt Disney quoi. Oui, bah, ouais. En même temps, c'est écrit sur la jaquette, il y a un énorme couteau. Et puis si t'as lu le super résumé, normalement, tu le sais quoi. Alors, ça s'ouvre sur un mec qui prend l'apéro au bord d'une falaise. Oui. D'ailleurs, t'as la petite musique avec les carillons ultra flippants, le gars ouais. Est tout seul, fait tourner un machin, c'est trop quoi. Déjà, ouais, c'est trop. Mais alors, attendons parce que ce film, dans le trop, il est bien. Oui, et j'aimerais sûr. Qu'on fasse tout de suite un point personnage et qu'on aborde les quatre personnages et leurs quatre personnalités respectives qui sont très, très, très similaires. Qui sont pas très clichés d'ailleurs. Non. C'est vraiment, c'est tout nouveau. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, il y a Barry, le quarterback violent. Ouais, c'est ça. Qui lui, petite teigne, petite frappe, ne se laisse pas faire. Bah non, il pourra, son papa est très riche et très con. Je pense qu'on l'a vu dans toutes les séries de Dawson jusqu'au frère Scott, lui. Lui, il est dans tous les films, en fait, le ouais. Même perso, quoi. Ouais, enfin, ouais. Même pas, et dans tous, il a la veste Teddy quand il a pas un débardeur. Voilà, exactement. Il y a Julie. Qui est pour être cheerleader, bon, il se trouve que là, elle est Miss pas non. Camping, mais Miss Ville, quoi. Ah non, Julie, c'est la brune, pardon. Ah, Julie, c'est l'intellectuelle, c'est l'étudiante en droit. Ouais, intellectuelle, hein. Ouais. C'est Jennifer Love Hewitt qui est assez jolie, je trouve. Ouais, moi aussi, toujours très jolie. Donc elle est plus intelligente que tout le monde puisque elle va aller à la fac. Waouh, elle est brune surtout. Elle est brune, ouais. Elle est brune. Franchement, elle aurait pu avoir des lunettes. Je trouve que c'est vrai qu'elle aurait pu avoir des lunettes quand même. Et ouais. Des boutons. Oui. Ah mais au final, c'est quand même elle qui baise en premier. C'est pas la bonne. Exactement. T'es bien vulgaire. Ah pardon. Eux, ils l'avaient sans doute déjà fait. Julie est en chose. Avec, tu parles de la chose. Tu parles du bail. qui est en couple avec Ray. Je m'excuse auprès des enfants qui vous écoutent. Il doit y en avoir beaucoup. Ray qui est très mystérieux quand même. On va même le soupçonner à un moment. Ah ouais, il y a plein de rebondissements. Hein. Et enfin, Sarah Michelle Gellar. Qui s'appelle comme ça dans le film, qui est juste. C'est elle qui aurait pu être cheerleader. Elle est très très belle. Je pense qu'elle est. Alors je vois pas ce que tu lui trouves, Antoine. Honnêtement, moi j'ai du mal à la trouver jolie. Ouais. Ah bon? Ah ouais? J'essaye, vraiment. Ouais, les gars, vous battez pas. On va régler ça après. Moi, dès que je vois Sarah Michelle Gellar dans un film, ça me fait penser à Buffy. Mais en fait, elle a pas fait beaucoup de films. Il y a d'ailleurs un moment dans le film, je me suis dit, vas-y, ils vont mettre la musique quoi. De Buffy, à un moment où elle se bat vers la fin. Tu parles de Laurent Buffy. Hein. Et donc là, dès le début, c'est hyper cliché. C'est-à-dire, c'est les quatre, c'est la fête de fin d'année. Elle a gagné le concours de reine de beauté. Ouais, c'est la seule qui a la parole, vous avez remarqué. C'est la seule qui parle, quoi, oui. Qui on donne la parole. Ouais, c'est pour ça qu'elle a gagné. C'était drôlement. C'est pas du tout équitable. Ça a été coupé au montage, sinon ça aurait duré. Si on a eu tout le concours, c'est quand même. Le film fait 2h30, mais il y a une heure de concours. Le tueur, on le voit 10 minutes. Enfin, je suis content d'avoir vu le concours quand même. Et après ça, il y a tout de suite le super cliché de la soirée. Ouais. Et il y a le bisu amoureux qui vient voir. Et le bisu, c'est Léonard dans The Big Bang Theory. Ouais. Je connais pas son vrai nom. Mais le pauvre, il a que des rôles de bisu, quoi. Bah, il doit s'appeler Ryan Phillippe, puisque j'en sais rien. C'est un de ceux de la liste, je sais pas. Je sais pas comment il s'appelle. Mais oui, mais c'est un cinquième. Et lui, alors lui, c'est tout de suite dans des bails de domination, parce qu'il va se faire mais marcher dessus, quoi. Ouais. Par ouais. Le quarterback. Oui. En même temps, contre un quarterback, qu'est-ce que tu veux faire? Il avait rien demandé, il est juste là, ça va, tu passes une bonne soirée. L'autre il arrive, fait, si tu fais, casse-toi le bisou. Genre, il lui rentre dans l'art direct. Bah, ça va, il a rien fait. Ouais, bon, en fait, là, on est. Pour un quarterback, il est pas trop baraqué, parce que je regarde le Super Bowl, moi, tout de suite. Oui, mais il a enlevé ses épaulettes quand même. Oui, c'est vrai. Ah, ils ont des épaulettes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est quatre adolescents américains issus chacun d'un cliché différent de cinéma le soir où on a un peu picolé? Alors en fait, bah justement, qu'est-ce qu'on fait quand on est complètement raide mort et que la plage se trouve à 10 km dans des lacets de montagne? Eh ben on y va. Mais surtout qu'il y en a qu'un qui est brouillé avec le blond. Ouais, c'est le conducteur. Ouais, mais il faut qu'il conduise, c'est sa voiture. Il conduit à l'aller? Oh non, je sais pas. Désolé pour cette question. Qui c'est qui conduit? Mais c'est la carte grise, c'est à son nom, je comprends pas. Mais il a su un touriste. Il doit pas être assuré. Donc là, ils sont sur la plage, ils discutent de. Mais il est en leasing ou il a pas crédit sa voiture? Moi, j'ai le premier problème avec la plage, c'est. Il n'y a pas de bois, alors comment ils font un putain de feu? Et surtout, oui, si vous êtes déjà allé sur une plage de nuit, il fait moins 100 degrés. Hein, c'est-à-dire que t'es pas collé au feu. Et ouais, là, mais t'étais en Islande, toi, non? Là, elle est en petite robe, mais elle a l'air de crever de froid pendant le tournage. Ouais, je suis un peu dans les bails de cinéma, tu vois. Moi, ça me fait marrer parce que c'est déjà minute 5, là, tu vois, c'est à peu près à la minute 5 ou 10, et déjà tout est super surjoué, quoi. C'est-à-dire qu'ils font des pauses. Moi, j'ai noté les pauses parce qu'à un moment, il y en a deux qui se regardent, et il y en a un qui est de profil derrière. C'est vraiment une photo, quoi, tu vois, on dirait une photo. Bon, c'était un peu trop pour moi, quoi. Ouais, c'est un peu trop tout le temps. Bah ouais, c'est vraiment pas pour tout le monde, d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui va perdre quelque chose à la plage. Quoi? Bah, oui, ils ont fait la chose. La virginité. J'essaie de le dire de manière poétique. Mais j'ai eu un chat dans la gorge. Donc ils vont le faire, ils vont faire la chose. Ils vont le faire. Ils sont... Il va voir le loup. Ouais. Ils sont plutôt vachement décontractés après. Tu sais, genre, ça va, on rentre? Bah nous, on l'a fait, donc on veut rentrer maintenant. On va aller se coucher. Mais moi, ce qui me fait marrer... Je pense que pour ta première fois, t'es content de le faire dans le sable. Tu sais, ça doit être bien galère. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'à un moment donné, ils sont en couple sur... Oh, merci, Antoine, pour les détails. Bon, attendez, ça va. Allez, Mickaël, c'est trop tard, on m'a écouté. Sauve-nous. Est-ce que tu trouves que c'est un bon début de podcast, Mickaël? Non, ceci dit, je reviens sur un détail qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, ils sont en train de. Ils se promènent sur la plage, alors on voit que la nana. En fait, ils sont sur une plage, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que du sable à perte de vue. Ah, elle dit, mais tu t'es caché où? T'es où? Bah, le mec est venu avec une pelle, il a fait un trou de 2 mètres. Et donc ensuite, ils prennent la voiture. Et là, ça va être l'accident. Donc c'est son pote qui conduit. C'est le blond est bien bête. Ouais. Hein, il fait c'est ma voiture, personne ne conduit. Alors, ma voiture. C'est le seul bourré. Mais c'est ça, il doit pas être assuré tout. Mais surtout le gars, ah, chez personne, il est tout seul à être débranle, quoi. À un moment, ouais. Je me dis, on va pas avec lui, il est débranle, ça fait trop chier, quoi. Non, mais au final, c'est pas lui qui conduit, c'est le bras. Oui, non, mais même on le laisse à la fin, il vient même pas avec nous. Enfin, c'est trop chiant d'être un mec tout seul, débranle. Ah, merde. Greg et moi, on l'a vécu, je peux dire que ça gonflait les autres. Et donc là, il percute une personne. Ouais, on sait pas ce que c'est au début. Ah, bah c'est un pêcheur, il a des bottes. C'est un péchou. Alors justement, au début, ils se disent merde, putain, on a percuté une bestiole. Enfin, je sais pas, un sanglier ou je sais pas quoi. En fait, il retrouve une botte pleine de sang. Toi, c'est... Ça aurait été marrant que ce soit d'ailleurs un sanglier avec des bottes en fait. Non, mais tu m'as remarqué, moi, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu la botte parce que j'ai fait non, mais attends, une botte, c'est le truc le plus chiant à enlever du monde. Ouais, quoi. C'est clair. C'est impossible d'en trouver une botte sans la jambe dedans parce que genre, ouais, c'est le seul truc qui est parti quoi. C'était peut-être un peu trop grand. Alors que le mec a gardé son chapeau. Son chapeau. Son monocle. Alors déjà c'est les phares de la bagnole de drive. Hein. Ils sont pas du tout abîmés. Le truc, il a pas du tout pété ses phares. Ouais. C'est une BM. Hein. C'est une 320 tranquille turbo injection. Et là la question se pose, c'est bon mince, on sait pas trop s'il a envie. Il a l'air mort. Qu'est-ce qu'on fait? On jette le corps. Enfin ça va aussi vite que dans les petits mouchoirs. Non, quoi. On part en vacances. Ouais, sauf c'est que ça. Bon alors il y a quand même comment elle s'appelle Jennifer Love Hewitt. C'est quoi son nom dans le film? Julie, voilà. Il y a Julie qui est pas vraiment pour au début. Elle leur dit mais si vous voulez, si on cache le corps, on va être dans la mer et tout. Et le mec a quand même un argument imparable. Il dit attends, tu vas à la fac l'année prochaine. Tu touches une bourse. Là, elle fait ah ouais, ok. Bah, le blond. Ouais, t'as raison, on va jeter le corps à la mer. Le blond, il pète un câble et il arrive à convaincre tout le monde en une putain de seconde, quoi. Mais alors que mais c'est un accident, c'est même pas lui qui conduisait, ça m'énerve. Surtout que le mec est rincé au Jagda, quoi. Jagda, pas mal. Jagda, ma gueule. et tout le monde est ok, on fait oh, ouais, bah ok, bah, non, c'était un accident, mais c'est pas grave. Ils ont tous une raison de merde. Genre Ray il dit non, mais moi je suis pauvre, je suis pas comme vous. Non, mais comment. Ça fait quoi, tu sais, genre à la police, vous êtes pauvre, Ray? Tribunal, ça va chauffer. Bon. Mon avis, vous pouvez oublier votre vie. Aux States, pendant les tribunaux, faut ramener tes résultats de compte. Oulala, un petit salaire, ça rien. Alors, il check. Alors, ça, c'est un détail important, c'est qu'il check quand même le pouls du gars. Hein. Ouais. Donc, le gars, c'est. c'est quand même un bon magicien parce qu'il arrive même à couper son pouls pour faire croire qu'il est mort, quoi. Donc il a un plan de malade, le gars. Ça, mais surtout, et surtout ouais, enfin, les gars, ils vont à une vitesse. Ça, c'est bon, ça, c'est un peu dans tous les films. C'est le mec touche deux secondes, il fait. Cet homme est mort. Déjà, moi, je mets 4 minutes à trouver mon propre bout. Alors, les gars, ceci dit, les pêcheurs ont la faculté de couper leur poux pour pas effrayer le poisson. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Ça c'est de la psychologie. Là, il y a un truc qui a pu servir. Donc, du coup, ils vont à Dawson Creek. Pour ceux qui connaissent Dawson, il y a le petit pont où ils s'embrassaient. Je sais pas si c'est exactement le même, mais ça ressemble vachement. Mais regarde pas. Hein, je sais pas. Parce que ils sont à côté d'une falaise et au lieu de se dire, bah vas-y, on jette le corps là. Maintenant, on va le mettre dans le coffre, on va le jeter à 100 km. Ouais, bah vas-y, mets des empreintes plein ton coffre, mec, c'est parfait, quoi. Et puis, il déplace vachement facilement le corps aussi. Alors qu'il a au début, ils veulent pas y toucher, ouais. Il est dégueulasse. Alors, c'est un pêcheur, et après, ils sont là, bam, dans le coffre. Tu ouais. vois, c'est limite s'il lui arrache pas les dents pour pas qu'on l'identifie. Mais vois. En fait, c'est juste le meilleur moyen de se faire cramer, quoi. Genre, on va prendre le corps, on va le déplacer, ouais. on va le camoufler. Alors, d'ailleurs, tu fais juste empirer ta situation, alors que bon. D'ailleurs, petit détail, il croise, y a un témoin. S'il croise Max. Il y a Max qui arrive dans son pick-up. Eh ouais. Il est suspicieux encore, Max. Hein. Ah ouais. Ah, Max, il est pas content. Il est bourré. Bah, il est bourré et il manque de monter dans les tours, l'autre, pour lui défoncer la tronche. Voilà. Fait, ah, c'est peut-être pas le moment. Non, c'est pas le moment. Non. Il l'insulte et l'autre lui dit à plus tard. Et là, le cadavre. Ouais. Alors après, le cadavre, au moment où ils vont le jeter à l'eau. Il attrape la couronne de beauté de Sarah Michelle Gellar. Ouais, parce qu'elle a gardé sa couronne. Ouais, couronne. Bah, en se réveillant, et rap, il lui chope. Et il tombe dans l'eau. Et là, Barry, ni une ni une, le quarterback, il plonge dans l'eau. Ah, bah, oui, mais il... moi, mais... l'eau noire, noir, glaciale. Il y a un cadavre. Non, elle n'est pas noire, l'eau. Pour le coup, elle est bien éclairée. Ah, oui, l'intérieur, c'est une piscine, mais de l'extérieur, ça fait un peu flipper. Le mec plonge dans l'eau. Et ouvre les yeux, donc là il voit de nuit dans l'eau. Alors le mec est costaud. Non, mais alors moi dans Bisounoursland, je pensais qu'il s'était dit merde, il est pas mort, je vais le repêcher, tu vois. Ah ouais. Mais non, j'étais non, pas mort. Non, il est mort, c'est le film. Ah, c'est bon, je l'ai sauvé. Finalement, il est pas mort. C'est nous, monsieur. Hein. Non, c'est un super film. Et en fait, c'est le film sur le nom d'une fête. Tu te souviens l'été quand tu nous as sauvé l'été dernier? Yeah. En fait, moi, il y a un truc que je me demande, en fait, c'est quoi le plan du gars? Il se dit, ok, vas-y, je vais me déguiser en gars super flippant, je vais me balader dans la montagne, je vais attendre de me faire shooter. Une fois que je suis shooté, je vais me foutre dans le coffre, je fais genre de rien, et une fois qu'on me met près de l'eau, à ce moment-là, je me réveille. Là, je l'ai fait bien, bien flipper. Et une fois que je suis dans l'eau avec la couronne, tout est préparé, le gars, il va plonger. Et c'est à ce moment-là que je vais ouvrir les yeux. Ils vont grave flipper, quoi. C'est quoi le truc? En rien, quoi. Non, et après, une fois que tout marche, il fait « Comment ils ont flippé ?» Je suis arrivé là, yes, ça a trop... Alors, même... ça a marché, ton plan? Ouais, mec. Ouais, le moment trop... où j'ai ouvert les yeux dans l'eau, il a trop flippé. Mais il ouvre les yeux dans l'eau, mais il y a pas de bulle, tu vois. Donc, le mec respire pas non plus, quoi. Bah, c'est un pêcheur, écoute. Ah, bien non, mais du coup, moi, je me suis dit, c'est peut-être, tu sais, les des cadavres. Oui, non, mais enfin, c'est un oui, peu c'est de ça. C'est-à-dire que c'est, ça, ouais. C'est quand même ce qu'on croit pendant tout le film. On pense que c'est quand même des réflexes de cadavres. Ouais. C'est un terme technique que j'ai utilisé. Et là, il y a pour moi le moment clé. Je parie qu'il est quand ils sont morts, 5 ou 1 minute. Le moment clé du film, c'est le pacte de silence, la promesse. Barry, il va monter dans les tours, il est super bourré, il fait plus jamais et tout. La scène dure une minute. Plus jamais on parle de ça, je veux plus jamais en parler. Ils vont parler pendant tout le film. Un an plus tard, elle reçoit une lettre, elle va aller voir. Ah, tu parles du truc de l'an dernier et tout, mais genre ils vont en parler tout le temps. Cette promesse est rompue. Bah, en même temps, s'ils n'en parlaient pas. Vous avez remarqué quand même qu'avant de jeter le corps, ils lui ont remis sa botte. Ah ouais. Ah oui, je note ce détail. Quoi. Cette preuve. Alors, ce qui est marrant, c'est que la bagnole elle est complètement défoncée, mais qu'on n'en entend plus jamais parler. Genre, bon, bah, t'as fait quoi avec la bagnole? Non, bah rien. Rien, il y a un peu de sang. Il y a un peu de sang. Et dans le coffre, il y a plein de sang, mais bon, c'est pas grave. Et ce qui m'a fait marrer aussi, c'est le moment où la lettre arrive. En fait, c'est-à-dire que. Attends. On explique quand même. Pause. Un an plus tard. Ellipse. Un an plus tard. Ouais. C'est ce que j'ai expliqué. Un an plus tard, Julie, elle est pas au top. Non, bah, pas ça la perturbe. Alors, cette histoire. Ça fait un an. Ça fait un an qu'elle traîne la patte, la pauvre. On la et, voit. Et là, on la voit dans sa chambre d'internat de la faculté. Alors moi, quand j'ai vu l'état de sa chambre, je me suis dit, bah ça y est, il y a eu le procès, elle est en prison, quoi. C'est glauquissime. Et Julie, elle est un peu fatiguée. Et elle reçoit la lettre, justement. Et elle reçoit la lettre où il y a marqué. Alors, elle rentre. Je me souviens l'été dernier. I know what you did. Non, en fait, summer. Déjà, elle rentre c'est pour les vacances. Elle rentre pour les vacances chez sa mère. Et, ah, c'est de l'anglais. Elle rentre chez sa mère. Et en fait, pour montrer. Si elle avait reçu le message en japonais, ça aurait été bien nul, quoi. Bah, je sais pas, j'ai jeté, je sais pas, j'ai rien compris. Du vidéogramme. Et pour montrer, enfin le réalisateur, pour montrer, enfin le scénariste plutôt, pour montrer qu'elle va pas bien. Bon, déjà, le voyage avec son nounours dans les bras, c'est un signe de dépression déjà. En plus, c'est une méga bombe avec un nounours. Et à moitié à poil avec son nounours. Je comprends pas pourquoi. Et elle mange pas, enfin elle mange très mal. Ouais. En même temps, elle lui fait du colin, sa mère. Elle loupe son année fenêtre. Scolaire, elle regarde la fenêtre, ouais, et elle va pas bien. Quoi. Ouais, elle, va et bien. Elle lit le mot, elle passe la nuit à lire. Je pense qu'elle fait une explication de texte. Alors, je sais, bon, ça c'est le verbe. Et alors là, non, mais en fait, l'arrivée de la lettre, c'est un an jour pour jour après, c'est-à-dire ouais. que le mort, le péchou là qu'on avait vu avant. Non, c'est pas un an jour pour jour. Il est mort le 4 juillet. Et on n'est pas encore avec lui. Ouais, c'est, disons que c'est 360 jours avant, plus tard. Ouais, bon, en tout cas, le gars, il trépigne pendant un an. Pendant, il est là, il fait « Oh putain, faut que j'envoie la lettre, c'est bientôt !» Bon, et Thierry, arrête de nous faire « Ah, c'est les mecs que t'as fait flipper l'an dernier, là ?» Ah, t'es mis passer les couilles avec ça. Non, il rentre, attends, pour l'été, je vais trop les faire flipper. J'ai préparé un petit truc avec des petits mots. Ouais, j'avoue, en plus, le mec attend qu'elle soit rentrée parce qu'ils sont tous... Ouais, ils sont tous là tout le temps, enfin, tu vois. Et du coup, elle va voir Sarah-Michel Gellar. Elles se mettent à flipper et elles disent il faut qu'on aille voir Barry. Alors Barry n'a pas du tout peur. Ah ouais. C'est que dalle. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. C'est rien que des conneries. On a besoin d'aide. Ouais, ça se voit. Vous devriez vous regarder dans une glace parfois. On dirait qu'un seau de merde vous est tombé dessus. T'es un fumier. On peut pas ne pas en tenir compte. Calme-toi, Julie. Qui te dit que c'est lié d'abord, hein? T'as fait un tas de trucs l'été dernier. Oui, mais j'ai beau me creuser, il y a eu qu'un meurtre. Tu vas fermer ta gueule. Donc Barry, voilà. Tu vas fermer ta gueule. Ouais. T'es qu'un fumier. Alors on comprend qu'ils ne se sont pas vus pendant un an, en fait. Ouais, alors Barry et Sarah-Michel Gellar se sont séparés, malheureusement, après cette affaire. Un meurtre, ça sépare, hein, généralement. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est compliqué, ouais, après. Ouais. Hein. Et du coup, ça va pas très bien. Ils pensent tout de suite à Max, parce qu'ils ont croisé Max cette nuit-là. Alors non, justement, ils y pensent pas tout de suite. C'est quand même le troisième larron qui pense à Max, alors que c'est quand même le seul témoin. C'est quand même le seul témoin, c'est le seul mec qui est passé. Et ni Julie, ni Sarah-Michel Gellar n'y ont pensé, quoi. Gellar. C'est fait Gellar. Et du coup, ils vont voir Max. Ils vont voir Max. Et là, il y a coup de pression maximum, quoi, si j'ose dire. Oh, okay. Si j'ose dire. Il va se faire dominer encore une fois. Et en sortant d'aller voir Max, avant d'aller voir... Ils ne sont pas du tout allés voir Ray. Alors Ray, c'est l'autre, c'est ouais. Le quatrième qui était là. Ils vont d'abord voir le mec. Et ils croisent totalement par hasard, sur le port, Ray qui est devenu poissonnier. Pêcheur. Ouais, bah, c'est pareil. Poissonnier, c'est la même profession aux États-Unis. Ils vendent de même leurs poissons, c'est bien connu. Et là, ils hurlent dans la rue, au plein milieu de l'atelier. Non, mais attends, on a quand même tué un mec et tout. Tu vois, pendant tout le film, ils hurlent en public leur histoire. Ouais, ça c'est vrai. Et là, il va y avoir le premier meurtre. Ouais. Alors, oui. Alors, bon. Alors là, c'est là où j'ai commencé à plus rien comprendre. C'est Max qui est tout seul. Alors, Max, il travaille de nuit. Hein. Il fait les crevettes de nuit, Max. 23h au-dessus des crevettes. Ah, il fait les 3-8. Ouais. 3-8. Et il y a le tueur des crevettes. Enfin non, le tueur des crevettes. Le tueur. Ça aurait dû l'appeler comme ça. Le tueur des crevettes. Et du coup, le mec, bon, on sait pas encore qui c'est, on sait pas encore ce qu'il veut. Et là, c'est une vraie fausse piste parce que le gars va tuer Max. Oui. Ce qui est marrant, c'est que le mec n'a rien à voir avec l'histoire. Alors, le mec n'a rien à voir avec l'histoire. Il le trucide. Par contre, les gens qui ont essayé de le tuer, il leur coupe les cheveux. Quoi. Je comprends pas. Non, mais c'est ça. Il va faire un truc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il va tuer Max avec son crochet de pêcheur. Max, il va en prendre plein la gueule alors qu'il a rien demandé. D'ailleurs, il sert à quoi ce crochet? À tuer? Non, mais ça doit être comme. C'est crochet pour les poissons par la gorge. Ou pour tirer des blocs de glace, non? Ah oui, c'est. J'en sais rien. Bon, en tout cas, moi, là, à ce moment-là, tu vois, avec l'intrigue, comment c'est amené et tout, j'avais vraiment l'impression de regarder La Cité de la Peur, mais sans les blagues, quoi. Ouais, tu vois. Ouais, c'est le méchant, il est pareil. Ouais. Eux, quand ils font des réflexions sur. Mais qui ça peut être? Qui ça peut être? Oh, on se demande vraiment. Et c'est vraiment La Cité de la Peur, quoi. Ouais. Et, attention, ça va couper. Parce que juste après. Juste après cette scène, donc lui il se fait tuer arraché par la gorge et tout, c'est assez bien fait. Barry, il est tout seul pas à la. Pas beaucoup de sang dans ce film, hein. Pas trop. On reste sur notre faim, hein, quand même. Hein. Moi, j'aime bien voir. Moi, ça me donne pas faim, mais. Barry prend une douche tout seul à la salle de sport, normal, c'est un quarterback. Donc, il en fait la boxe. Il fait de la boxe. Ouais, ouais. La boxe. Ouais. Mais il s'entraîne tout seul. Il s'entraîne tout seul la nuit. Et là, mais genre, c'est pareil, il y a des trucs. Bon, ça, c'est un peu dans tous les slashers, mais Genre le tueur, bah, ce mec va le tuer. Il pose un polaroid sur son casier, donc du coup il va voir à l'autre bout de la salle parce qu'il a entendu un bruit. Quand il revient à son casier, le casier il est ouvert, il y a un truc dedans. Enfin, ouais. Mec, tu te fais drôlement chier là quand même. C'est clair, parce que vu comment il a dégommé Max en deux. Bah Max, il a pas eu le droit au super petit truc que tu lui as mis. Mais c'est vrai que ça a aucun sens. Le mec déjà, enfin, pourquoi il fait tout ça? Il a pas de boulot, il est plus pêcheur, il fait plus rien quoi, tu vois. Genre non, comment il vient, je vais m'amuser quoi. Parce que ça coûte du pognon faire tout ça. Et attends. Après, il va. Il pique les clés de la voiture. Ouais, il pique les clés de la bagnole. Ouais. Barry, il va sortir. Il va y avoir une poursuite en bagnole, mais hyper pas discret encore, quoi. Tu vois, en plein milieu de la ville. Il va lui rentrer dedans avec sa caisse. Alors, ça, c'est marrant parce que. On va pas le tuer. Il va pas le tuer. Non, il va lui voler sa veste. Et moi, je me suis dit, mais c'est parfait. Il va mettre sa veste près du corps de Max et il va le faire accuser à tort. Ouais. Parce qu'en plus, il lui vole sa caisse pour aller lui mettre près de Max, quoi. Ouais. Sachant qu'on l'a vu menacer Max dans l'après-midi. Pas du tout. Et tu vois, je pense que ça a été enlevé du scénar ou quoi, mais sinon ça n'a pas de sens. Ouais, non, mais ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui est marrant, c'est qu'il sort de la salle de sport, donc il y a la voiture qui allume, enfin qui recule déjà, qui allume les feux et qui lui fonce dessus, et le mec il court, mais sur la route. Oui. Tu vois, pour quand même qu'il fonce. Oui, il pourrait se foutre derrière un bâtiment, et voilà, c'est trop cool. Non, à un moment il fait des zigzags quand même. Hein. Ouais, à la fin quoi, oui, c'est timide. Donc du coup, la question se pose. C'est un quarterback en même temps, il peut pas penser à tout. C'est quoi les bails avec ce schlag? Schlag, nouvelle expression, il faut qu'on la place, elle est nulle aussi, elle est bien nulle. Ils partent à la recherche du tueur avec une sorte de Google 2.0. Ah, c'est les deux filles qui font, ouais. Qui sont parties en mode investigation. Ouais. Ouais. C'est pas alors mal déjà, ça. Dans déjà, les films des années 90, les recherches Google, elles sont vraiment top. Quoi. Déjà, on apprend que en fait, le corps a été retrouvé et qu'il était classé comme accident. Je crois. J'aimerais bien savoir suicide. Qui a fait l'autopsie. Suicide? Ouais. Ouais, non, donc, non mec... accident dans la presse. Accident de pêche. Suicide, accident ouais. De pêche, ouais. Le mec, il a toutes les côtes cassées. Je sais pas qui a fait l'autopsie. Le mec a toutes les côtes cassées, mais c'est un accident de pêche. Bah, il est tombé dans l'eau. Non, c'est simple, il avait plus sa botte. Bah, c'est marrant parce qu'il y a quand même des drôles de traces de pneus sur son visage. Non, il est tombé dans l'eau. Et donc là, Internet, ils ont retrouvé la sœur du mec qui est mort et ils disent que ça peut être une bonne piste. C'est sans doute elle. Donc, sans doute. C'est le nom d'un poisson. Elle habite où? Elle habite à 100 km dans la maison de l'horreur. Ça tombe bien. Elle, pour le coup, elle fait vraiment flipper. Ça m'a rappelé un peu Massacre à la tronçonneuse ou Trou Détective. Ah, mais ça, c'est ouais, pareil. Ouais. C'est Massacre aussi. À la tronçonneuse. La tronçonneuse, sa baraque. Tu sais, pareil, elle a des poulets des crevés là, à l'extérieur et tout. Et là, c'est pas mal dans les films, les teenage films d'horreur, là, les paf, et tu sais, on te fait sursauter. Ouais, ah bah alors celui-là. Alors là, attends, vas-y. Ouais. Bah, celui-là, il est en train de se barrer, et la nana arrive comme une déglinguée, elle tape sur la barre, elle gueule, elle fait, t'as oublié tes clopes. C'était gratos, ça sert à rien du tout. Vous voulez une cigarette? Non mais il y en a un autre juste après. Il y en a un autre avant. Elle est dans son salon. Et elle fait, tiens, je vais aller voir dans la cuisine. Elle fait un demi-tour sur elle-même. Bam, un porte-manteau. Et il y avait un porte-manteau de pêcheur encore humide. Un manteau comme celui du tueur en fait. Mais pourquoi il est mouillé? Pourquoi il est là? Et surtout pourquoi il fait tatatin? C'est juste un blouson. En vrai, tu te retournes pas sur un blouson en faisant un blouson. Et au moment où elle se barre, les deux nanas se barrent en bagnole et il y a un plan sur la blonde qui est ultra flippante et qui fait un peu une Walking Dead, tu sais, en dirait un zombie avec comme ça. Mais pourquoi, quoi? Et ensuite, là, ça commence. Le tueur, on va commencer à le voir à l'écran et là, c'est un vrai plaisir. Ah ouais. Il rentre chez Sarah Michelle Gellar alors que tout le monde est dans la maison. Alors déjà, le père de Sarah Michelle Gellar est vraiment sympa. Hein, ouais. Il dit bonjour à personne. Mais je pense qu'il est dans le coma, en fait. C'est-à-dire que non, lui, il n'entend rien. Vous n'avez pas compris, c'est une grande critique de la société américaine. La fille rentre et le père boit du whisky. Ah, mais il est bien ce film. Donc, il passe par la porte. Il monte les escaliers, alors toujours avec ses putains de bottes, son putain de blouson, son énorme crochet. Il n'a pas une trace. Personne ne l'entend. Il va direct dans la chambre. Il sait où c'est. Et on laisse sous-entendre qu'il va dans le placard de Sarah Michelle Gellar. Ouais. Et Sarah Michelle Gellar, elle va dans sa chambre. Ouais. Il y a sa sœur qui lui parle et tout. Donc déjà, on est sûr que c'est pas sa sœur, ça peut pas possible que ce soit elle. Vous l'avez reconnue, sa sœur? Non. Elle jouait dans Mortal Kombat. Ah putain, on aurait dû la reconnaître, c'est tellement connu. Elle joue dans Last Action Hero aussi. Ah, c'est la nana dans Last Action Hero? Ouais. Non. Si. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Bridget Wilson, je crois. Pas mal. T'es connu dans les très jolies filles des années 90. Parce que ça m'a rappelé, en fait. J'ai vu Et donc, ça passe, directement au lendemain matin, sans transition. Et moi, je me suis dit, bah, soit le tueur, il attend toute la nuit dans le placard. Il s'endort. Genre... En tout cas, il y a moyen de flipper quand tu vas dans ta garde-robe de trouver un pêcheur allongé dans le. Et le tueur, vous l'avez arrêté. Bah, il pionçait dans mon placard. C'est le matin, il est là. Monsieur, oh putain, qu'est-ce que je vous là. Et surtout, voilà, le mec fait aucun bruit. Et voilà, le matin, elle se réveille. Et là, tintin, c'est terrifiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la vache, je peux même pas en parler. Gaëlle, fais un effort. On en a déjà parlé. Ça fait partie de ta thérapie. On en parle. Dis-le, Michael, dis-le à haute voix. Non, je peux pas. Ah, les gars, vous êtes durs. En fait, elle se réveille le lendemain. Allez, il faut que ça sorte. Allez, dis-le, on t'écoute. Elle a des mèches de cheveux qui tombent. Vous avez bien entendu, le tueur lui a coupé les cheveux. Putain, ça me glace le sang quand je dis ça. Donc il lui a coupé les cheveux, il lui a mis sa couronne de reine dans les mains, sur la tête. Oui, elle se réveille pas, tu sais. Enfin bref. Et sur le miroir, c'est écrit. Soon, exactement, ouais, très bien. Ça, ouais. Et là, elle est vraie. C'est pas marqué. Odile, il y a un arc-en-ciel. Et là, elle a une réaction très étrange. Elle met un coup de poing dans le miroir. Personne ne fait ça. Parce que tu fais ça quand t'es très énervé, pas quand t'as très peur. Quand t'as très peur, tu te fais pipi dessus, tu tombes par terre. Non, mais c'est quand même Buffy. Putain. Bah, dans le miroir, quoi. Enfin, en même temps, t'as vu la coupe qu'elle a, je comprends qu'elle soit énervée. Et d'ailleurs, elle a un plâtre jusqu'à la fin du film. Et donc là, début de la scène finale, attaque de tout le monde, quoi. Mais non. Vas-y. Mais non. Mon passage préféré du film, t'as Julie, donc qui est dans sa voiture, papa, et elle entend des bruits dans son coffre. Ah oh ouais. Ça, je vais vous le raconter, ouais. ça me fait hurler. Voilà, passage ultra prévisible. Ah ouais. Ta. Ah bah non, mais ensuite. Non, c'est difficile à deviner quand même. les crabes, tout, j'en ai tout dans la tête déjà. Ah ouais. Et alors, non. Mais les crabes. Quand elle revient, c'est ultra prévisible. Quand elle revient pour leur montrer, il y a un corps. On explique. Calme-toi. les crabes, c'est le mec de Drive qui serait pas content. Mais alors, elle conduit, pam, petit bruit dans le coffre. Elle fait bon, voilà. Bah je m'arrête, c'est très gênant ce bruit. Elle ouvre son coffre. Alors il y a le cadavre de Max et 1500 petits crabes dans son coffre. Alors déjà, au prix du crabe, le mec, il s'est saucé. Et surtout, en fait, comment il a fait pour mettre... un arrêt sur image, hein. Il y avait de la salade et des tomates. Mais c'est surtout, comment le mec a fait pour mettre autant de crabes? Et alors là, attention, dénouement, elle court, parce que comme par hasard, elle a deux pâtés de maison de tous ses amis. Ouais. Pâtés de maison, t'as dit vraiment. Et elle court aller chercher ses amis. Ils reviennent au coffre, et alors là, on s'y attend pas du tout. Ah non. Il ouvre le coffre. Et il n'y a plus rien. Alors comment le mec, en plein jour, il a réussi à se faire disparaître un cadavre, ouais. 1500 petits crabes et devant tout le monde. Le coffre. Et surtout, comment il a fait pour que ça pue pas le crabe dans la bagnole. Parce que ça, tu sais pas. Mais en fait, tu sais, il y a un sapin bleu sur le rétroviseur, du coup, à l'intérieur, il en a mis un. Parce que toi, pour enlever l'odeur de crabe, bah, la caisse, elle est foutue. Hein, tu vois. Et surtout, le mec, il se trimballe quand même avec son aspirateur portatif pour pouvoir aspirer le coffre. Il a remis la petite scie, hein, tu vois. Enfin bref, c'est catastrophique. Et alors là, du coup, il pense tout de suite à Ray, et ils vont aller lui chercher pour lui mettre un énorme coup de pression. Je vous ai cherché partout. Je vais te tuer. Ça suffit. Ça va pas, qu'est-ce qu'il prend? Mais j'ai rien fait, moi. T'es un sale menteur. Il ment. Tu vas lui foutre la paix, ça va, calme-toi. Non, réveille-toi, Julie, c'est lui qui est derrière tout ça. Y'a combien de pêcheurs barjots qui traînent dans le coin, hein? Il me poursuit, moi aussi. J'ai reçu une lettre. Oh, tu as reçu une lettre. Moi, je me fais écraser. Hélène se fait taillader la crinière, Julie spraye un cadavre dans son coffre et toi tu reçois une lettre. Ouais, c'est super équitable. J'avais pas remarqué, mais en entendant juste le son, en fait, sur les deux extraits que j'ai mis, il y a toujours un bruit de petite mouette et de bateau. Ils sont quand même dans un port. Hein. Ouais, mais c'est pas mal ça, l'environnement sonore. Très très bien. Ça crée que j'aime bien, en fait. Finalement, pas il est bien ce film. J'avais pas remarqué, mais personne ne lui demande ce qui est écrit dans sa lettre. On s'en fout. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Ben c'est parce que c'est sans doute des conneries en fait. Hein. Ben on sait pas, mais c'est pour créer le faux mystère en fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Scène finale. Ah oui, alors, donc voilà. Mais t'as un truc à faire après, Greg? Bah non, mais c'est la scène finale. Oui, enfin, Greg, moi, c'est bon, tu peux annuler ton squash, là, bordel. Bah, c'est le jour du 4 juillet, il y a la parade... C'est le, la séquence meurtre à gogo. Donc là, ils se mettent à flipper. La parade des reines de beauté. Ouais. Ça commence comme ça. Ouais. Alors, il faut savoir que la scène, il doit faire 40 degrés à l'ombre. Et il y a des mecs en ciré partout avec des capuches. Et les mecs sont pas chauds là. Surtout, je veux dire, quand tu vas à une parade, tu vas pas avec ton costume de profession, quoi, professionnel. Quoi. Je veux dire, t'es pas plombier, t'arrives pas avec ton bleu travail, t'as un cambouis, quoi. Enfin, je veux dire. Il sort juste du boulot. Ah bah il y a le garagiste, il est là. Voilà. L'avocat, c'est le chef pâtissier. Et donc là, c'est une très bonne séquence qui a été parodiée dans pas mal de films. C'est le concours de beauté et le meurtre pendant le concours de beauté. Ouais. Sarah Michelle Gellar qui est sur la scène, qui est obligée, enfin qui remet son titre en jeu. Voilà. Et en fait, devant elle, il y a un parterre de public. Et ouais. Au-dessus, il y a une petite estrade. Avec plein d'éléments de décor qui sont rangés, avec juste Barry tout seul. Tout seul, ouais. Sachant que bien visible. Sachant que ça pue la merde. Et pourquoi? Parce que Barry surveille Sarah Michelle Gellar qui est devant 150 personnes, où elle est potentiellement intouchable, et lui est tout seul. Et donc là, il y a cette fameuse scène où le tueur va arriver, dézinguer Barry, et elle va être là, attention, Barry, nanana. Et personne. Vachement bien, Sarah Michelle Gellar. Et en VF en plus. Et du coup, le temps qu'elle arrive à l'étage, tout le monde pense qu'elle est folle dingue. Ouais. Tout le monde la retient sur ce n'importe quoi. Non, mais ça n'a aucun sens. Et là, tout le monde fait « Mais c'est des grosses conneries ouais. !» Le flic, sachant que deux jours avant, il y a un mec qui s'est fait dézinguer, tu vois, ouais. à la poissonnerie. Il y a un autre mec qui s'est fait rentrer dedans en bagnole, tu vois, et personne ne dit rien. Au rayon poisson, là. Et là, le flic, il fait « Non, mais c'est des conneries. » « Oui, si tu veux, on monte à l'étage pour vérifier, mais je te dis que c'est des conneries. » Il monte. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas une trace de sang, il n'y a rien. Le tueur, c'est monsieur propre. Enfin, le tueur, il est balèze, hein, franchement. Hein. Mmh. Bah, à mon avis, il s'est entraîné pendant toute l'année pour faire ce petit plan. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a fait. Parce que c'est comme ça qu'on pendant l'année, il tournait tu sais Dexter. C'est comme ça qu'on le reconnaît à la parade, parce qu'à la parade il y a plein de mecs avec des cirés, et en fait le tueur c'est le seul qui a son balai et son seau avec son aspirateur. Et donc là, Sarah Michelle Gellar va monter à l'arrière d'une voiture. Et là, la police, elle se fait accompagner par le flic. Je la trouve pas mal. Toute la séquence là de Sarah Michelle Gellar, je trouve ça pas mal. Ouais. Où elle monte dans la caisse de flic, donc elle est enfermée sur les plages arrière. Mm-hmm. Et là, quelqu'un raconte. Non. Ouais, en fait, déjà, elle insulte le flic sans que le flic ça lui fasse ni chaud ni froid, évidemment. Et en lui disant, mais vous êtes qu'un connard, je vous jure qu'il y a un tueur qui se balade, machin. Et en fait, le mec, d'un seul coup, il voit un type en ciré en train de réparer sa voiture. Et à aucun moment, il se dit, tiens, ouais, une histoire de tueur, un mec bizarre en train de réparer sa voiture. Non, je vais aller l'aider, donc il va l'aider. Trois meurtres en deux semaines. Voilà, c'est ça. Non, je vais aller aider le mec chelou qui repart sa voiture. Et en fait, là, du coup, Sarah Michelle Gellar lui crie « Attention derrière vous !» Un peu comme les spectacles de Guignol avec les enfants qui font « Attention derrière toi !» Et donc, il se fait trucider. Le flic se fait trucider. Alors là, pareil, il a rien fait, ce pauvre type. Enfin, je veux dire, pourquoi le tueur, il tue le flic? Et surtout, comment il savait qu'ils allaient passer par là en rentrant? En fait, la question, surtout, c'est... Moi, je pense que c'est lui qui a mis la déviation. C'est le tueur qui m'a dit. Ah ouais, c'est vrai, il y a une déviation. Putain, bien joué. Enfin, bon, le tueur, il est tellement intelligent et tellement balèze, il a tellement de pouvoir pour effacer qu'en deux secondes, il pouvait tuer les quatre gars depuis le début, quoi. Tu vois, il pouvait faire un one shot. Ah ouais, sinon, il était quoi, flippé. Moi, je trouve que dans le film, tu sens que Sarah Michelle Gellar, c'est un peu la star du moment. Et elle s'en sort plein de fois. Elle se fait quand même trucider. Ouais. Oui, mais au final, pas du premier coup. Premier coup, on lui coupe les cheveux. Enfin, d'ailleurs, elle va chez le coiffeur entre-temps, parce qu'à la cérémonie, elle a une coiffure impeccable. Ouais. Il a marqué. Il avait essayé de la tuer, puis hop, ça a dérapé, ça lui coupait les cheveux. Puis, je vais faire un gag avec ça, alors. Bon. On attend plus tard. Je pense que personne n'aurait autour de cette table aurait mis un billet sur le fait que ce soit la plus débrouillarde des quatre. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai revu la scène, parce que je l'ai regardé après, de la scène où il lui coupe les cheveux, en fait, parce que c'était coupé au montage, mais il lui fait un shampoing. Il fait ça bien. Et du coup, là, c'est une grande scène de slasher où elle va courir. Elle faut vite rentrer dans la boutique. La porte elle est fermée. Ouvre-moi, s'il te plaît. Voilà, ça je trouve ça vraiment bien. La musique et tout, elle est top. Et après ça, donc il y a la... il va tuer la sœur aussi, la pauvre, elle a rien fait non plus. Ouais, on... Lui, il tue trois innocents pour en tuer et même pas arriver à tuer les quatre. Ouais, c'est ça, il est nul ce mec. Surtout qu'en plus, sa vengeance, c'est quoi? Il est même pas mort, quoi, tu vois. Donc il va se venger de rien, quoi, tu vois. Il va tuer six personnes gratos alors qu'il est même pas mort. Mais surtout que Barry, il est méta riche, il pourrait faire une vieille demande de rançon, un vieux chantage avec sa famille, fin, tu vois. Oh, c'est un pêcheur, il gagne sa vie. Oh, détrompe-toi, les pêcheurs gagnent bien leur vie. Hein. Et donc là, après, il y a la scène où Sarah Michelle Gellar, elle meurt avec tous les clichés un peu de slasher, c'est-à-dire à un moment, le tueur, il est derrière elle et il a disparu et hop, il est sous une bâche en plastique. Pourquoi tu fais ça, mec? Ça prend des heures à mettre en place. Ça fait trop de bruit, le plastique, en plus. Ça n'a aucun sens. Et donc, il va quand même arriver à la tuer. Et bravo. Du coup, Julie... Elle flippe totalement. Bah, elle découvre le fin mot de l'histoire, en fait. Elle découvre le fin mot de l'histoire, elle fonce voir Ray, et là, elle a des doutes. Et là, il y a un semi-twist, parce qu'elle croit. Mais explique quand même, parce qu'en fait, elle fait des recherches sur l'internet. Bah, explique, vas-y. Oh. Ouais, c'est facile de dire aux autres. Je trouve que c'est un bon début d'explication. Et donc là, bon, on n'explique pas, mais voilà, il y a un semi-twist. On pense en fait, que non, c'est on se rend compte qu'ils n'ont pas tué la personne. Bon, enfin, on savait. Ah oui. En fait, on se rend compte que c'est pas le frère. C'est pas le même. C'est pas le frère qu'ils ont tué. Voilà. En fait, le frère, on se rend compte que le frère a eu un accident de voiture avec son ex-petite amie. Donc le frère de la nana qui est chelou, qui habite dans sa maison. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors, le frère... Bon, je reprends l'arbre généalogique. En 1855, la famille McFly arrive. Non, en fait, le frère a tué sa petite amie avec un accident de voiture. Le père de la fille veut se venger, donc il tue le frère. Ouais. Et en fait, c'est le père qu'ils ont renversé. Ouais, c'est donc c'est voilà, c'était un tueur. Et en gros, le mec qu'ils ont renversé en bagnole n'est pas mort. C'est pas un type qui cherche à venger un ami, un frère ou quoi que ce soit. C'est vraiment le mec qu'ils ont renversé qui est pas mort. Là, c'est un petit spoiler en sachant qu'on l'a dit pendant tout l'épisode, donc c'est un peu nul. Et du coup, ils se rendent compte, putain, c'est lui le tueur, et tatata. Elle fonce voir Ray, et là, elle a un flash, elle se dit, mais non, mais en fait, c'est peut-être Ray. Elle se met à flipper, et qui c'est qui est là? Le tueur. Alors cette fois-ci, il est pas en ciré, pas en capuche, parce qu'il s'est dit, bon, maintenant qu'ils sont plus que deux, je vais pouvoir enlever ma capuche. Greg, tu pourras ralentir son débit au montage. Enfin, très vite. Et parce que c'est très chiant, donc je vais aller très vite. Oui. Et là, il y a le combat final dans le bateau. Sur le bateau, ouais. Alors déjà, il y a un détail qui m'a fait mourir de rire, c'est-à-dire qu'ils sont dans le bateau du tueur, et en fait, il a agrafé tous les articles de presse et toutes les photos. Ouais. Et c'est normal, hein, c'est un déglingo, hein, tous les déglingos font ça. Sauf que lui, quand même, il y a la photo de la parade du jour. Oui. Donc le mec, il est passé chez Photo Service avant, quand même. Il fallait être un jour. Le même jour. Être un jour. Il y a une photo de la meuf qui regarde les photos dans la cabine du bateau. Et donc là, bon, ça, on va très vite. Combat final dans le bateau. On va visiter toutes les pièces du bateau. Ouais. Là, c'est pareil. Ça passe partout. Tatata. On n'arrive pas à l'arrêter. À un moment, on a l'impression qu'elle est dans Fort Boyard. Elle ouvre des trappes. C'est vrai. Prends les glaçons. Sors. Et prends les glaçons. Le Fort Boyard, c'est pas de prendre des glaçons. Le tueur va. Ça m'a fait hurler de rire. C'est-à-dire que le tueur, en gros, il va faire tout ce. Enfin, toutes les scènes de cascade dans Pirates des Caraïbes, là c'est un scénario où ça se passerait mal, c'est-à-dire le mec fait bam, allez, je m'envole avec la poulie, et flap, ça me coupe la main. Quoi. Pour Jack Sparrow, ça fait des maxi cascades, bah là lui, ça lui arrache le bras et il tombe dans l'eau. Quoi. Et d'ailleurs, moi ce qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'elle arrive dans une cale remplie de glaçons, dans un bateau où ça devrait logiquement être de l'eau en fait. C'est un bateau. Et dedans, il y a une chambre froide. C'est un chalutier. Ouais, ouais. Et dedans, il y a déjà les cadavres de Sarah Michelle Gellar et l'autre gars qu'il est allé chercher. Quoi. Ils sont déjà congelés. Hein. Ils ont mis 10 minutes à congeler. Quoi, tu vois. Et il y a une photo de lui avec les cadavres. et du coup, voilà. Donc, il tombe à l'eau. On retrouve pas le corps comme d'hab. Un an plus tard, parce que là il faut quand même le petit truc de fin pour tous qui les films. Bien pourri, voilà. Elle est méga épanouie. Alors ça m'a fait hurler de rire. C'est n'importe quoi. Elle renverse un man pendant l'été. L'été d'après, elle est trop mal, elle est déprimée et tout. Elle vit un truc horrible où tous ses amis se font trucider. L'été d'après, elle est là, papa, génial. Ouais. Non mais elle mange le cola maman. Elle retrouve vite la joie de vivre, quoi. Bon, c'est quand même et là c'est pareil. Elle rentre dans sa douche. Et c'est écrit sur la buée, I still know what you did last summer. Mais c'est trop chiant à mettre en place. Enfin, tu vois, c'est comme Batman, le gars qui crie le signe Batman en feu. Enfin, c'est hyper long et ça sert à rien. Enfin, ça sert à prévenir, enfin, à anticiper une suite, quoi. Ouais, ça sert à. En fait, ils auraient dû mettre dans 2 ans, on vous sort le 2, quoi. Ouais, mais c'est foiré parce qu'il lui saute dessus, d'ailleurs. Ouais. Parce que, tu sais, il y a un sursaut. Ah oui. Bon, bref. Ouais. Ouais. Bon, et ben moi, j'ai trouvé ça extrêmement long, extrêmement chiant, mais ouais, je pense ouais. que ça va, ça ouais. sera pas mal à regarder dans pas long, dans longtemps, hein, dans ouais, 15 ans. Ouais, ouais. Mais j'en suis sûr, moi, je mets un ticket là-dessus. Ah si, par contre. Moi, je pense qu'il va y avoir des fanboys. Le postulat de départ, le postulat de départ. C'est un bon postulat. Ouais. C'est un bon postulat au départ. Ah, moi, j'ai trouvé ça chiant parce que j'ai rien compris. Parce qu'il y a beaucoup trop d'incohérences dans celui-là. Ouais, ça, par contre, le tueur, il est complètement débile. Quoi. Ça, non, c'est... non, mais ça c'est juste un prétexte pour faire un film, quoi, un thriller. Quoi, tu vois, mmh. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul. Tout le monde en a un. Donc le nouveau jingle sortira la saison 4. Oui, j'ai toujours pas changé. Bon, allez, la prochaine fois, on aura le super tu nouveau promets, jingle. Hein, tu promets, hein. Je te promets. Ah. Alors, on a 5 commentaires. Génial. Étoile. Alors, Johan Lortior qui nous dit « C'est vraiment abusé comment ce film est très mal noté. » 5 étoiles. On a Hakim Rider qui nous dit « Vous l'avez pas vu? Vous avez raté votre vie. » 5 étoiles. Ah ouais, c'est comme la Porsche à 30 ans, quoi. Alors, on a Ray Michel Willis. Alors, j'ai bien vérifié, hein, parce que j'ai lu plusieurs fois son commentaire. Il parle bien de Souviens-toi l'été dernier. Il dit, il commence fort, il dit « LE chef-d'œuvre des années 90 ». C'est ce film qui révéla au monde la virtuosité de celui qui allait devenir un des plus grands réalisateurs du siècle dernier, Jim Gillespie. Dans I Know What You Did Last Summer, il propulse le film d'épouvante au rang de fer de lance d'une génération désenchantée, incarnée par l'innocente Sarah Michelle Gellar, d'une candeur bouleversante. Oh là là. Le scénario, habilement ficelé, rappelle parfois les films de Russell McLaughlin. Et tout cela porté par un casting de rêve, Ryan Phillippe y est, comme à son habitude, d'une efficacité redoutable, admirablement insolent, superbement détestable. Souvent décrit, souvent décrit dans un monde parallèle, injustement considéré comme un simple exercice de style, ce film bouleversant, et là je m'adresse à toi Antoine, ce film bouleversant trouvera avec les années une reconnaissance absolument méritée. Je suis parfaitement d'accord avec cet homme. Et ce n'est pas un hasard s'il figure aujourd'hui au panthéon du 7e art magistral. 5 étoiles. Non mais là par contre il est peut-être un peu tôt, pas encore, hein. Moi j'ai dit dans 15 ans. Ensuite il y a Criston qui dit... Criston, ouais. Film d'horreur avec fond de thriller est un excellent film. Bon déjà ça veut rien dire. D'une originalité incomparable. Là, je suis d'accord. Un film innovant qui fait bien peur et qui va vous surprendre par son originalité. Oh putain, l'art de se répéter. Quoi. Dans ce film, ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect nouveau du film. Il a vraiment écrit ça. Oui. On va dire l'histoire en elle-même. Ouais, il fallait y penser. Je dirais que ce film restera dans nos mémoires et dans toutes les mémoires des personnes qui l'auront vu. Un très bon film où les scènes qui font peur vous accrocheront et vous laisseront des traces dans la mémoire. J'ai envie de dire de point, souviens-toi de ce film. 5 étoiles. Et enfin, le meilleur, c'est Sarah Michelle Gellar The Best. Ah bah c'est elle. Elle a commenté son propre film, incroyable. Qui nous dit, bien que Sarah Michelle Gellar est mon actrice préférée, je n'aime pas trop le film, mais j'aime toujours autant Sarah Michelle Gellar. 5 étoiles. Eh bien, c'était notre avis sur Souviens-toi l'été dernier et celui des autres. Quant à nous, tirage. Nous allons tirer un film au chapeau. Allez, c'est moi. Oui, Barbie et moi, parce que je ne l'ai jamais fait, moi. On tire deux films. Deux films. Deux prochaines fois. Assure, hein, franchement, Barbara. Assure. Ah non, tu l'as jamais fait. Ouais, j'ai jamais fait. Pas plus, okay, Souviens-toi l'été dernier. Si, j'ai adoré, heureusement. Alors, Judge Dredd. Judge Dredd. Oh. Merde. Proposé par qui? C'est nous qui avons proposé ça. Proposé par personne. Je crois que c'est pas toi, Greg. Ah non, c'est pas moi ça. Oh, putain, Judge Dredd. La loi, c'est moi. Il est bien répoussé. Tu as kiffé. Il est je crois qu'il a super mal vu. C'est étonnant. Oula. Hein? Ah putain. Piège en haute mer de nickel. Je suis trop content. Oh putain. C'est toi qui as proposé ça. Ah là là. Ah, je suis très content. Ça a pas l'air de... Ah oui putain, un Steven Seagal et un Stallone quoi. Ouais. Un gros plein ta gueule. Bon bah c'est parfait. Ah, bon, bah, voilà. Je vais être très content de le revoir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous ai dit que j'étais content pour Piège en haute mer. C'est un bon début, hein, de podcast. Bonne rentrée. Oui, donc la semaine prochaine. À Twitter, Facebook, iTunes, blablabla, si vous en foutez. 5 étoiles, machin, allez hop. Au revoir. À la semaine prochaine. Ciao.